seul ange jadis, selon flûte ou mandat. Et la sainte pâle étalant le livre vieux qui se déplie du magnificat triste là jadis. Vitrage d'ostensoir que frôle une harpe par l'ange formée avec son vol du soir pour la délicate phalange du doigt que sent le vieux sang. Musicienne du silence.